It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. Baby. It's all right. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right. Dans un quart d'heure, sur la première, c'est dans l'actu, spéciale fourniture scolaire. La liste ont été communiquées à la fin de la précédente année scolaire, mais les achats se font parfois à la dernière minute, de la pertinence des effets demandés au budget nécessaire à l'équipement des marmailles. Tour d'horizon de ce dossier, vos réactions au 02 62 99 2000. Bon appétit à tous, il est midi sur la première. Antoine Garnier pour le journal, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Le cours de la vanille de la Réunion a grimpé en flèche ces derniers mois. Résultat, l'épice intéresse de plus en plus les voleurs. Les producteurs parlent d'une tonne et demie volée dans l'île cette année. On fait le point dès le début de ce journal. En France, la polémique ne désenfle pas autour des interdictions du port du burkini sur les plages. Chez nous, ce maillot de bain intégral porté par des femmes musulmanes ne fait pas scandale. Reportage dans un magasin de Saint-Pierre qui vend des burkinis. Daniel Narcisse est l'équipe de France de handball en demi-finale des Jeux Olympiques de Rio suite à leur victoire face au Brésil hier. Mais au cours de ce match, le Réunionnais s'est fait mal au genou. Pas grave, CAF n'a cette peau selon lui. Nous l'entendrons à la fin de ce journal. Bienvenue sur Réunion Première. Elle est présente sur les tables de la Réunion, mais aussi dans les plus grands restaurants de la planète. La vanille réunionnaise, dont la réputation n'est plus à faire, eh bien, intéresse de plus en plus. La production à pays est très prisée et même un peu trop. Maintenant, l'épice fait l'objet de toutes les convoitises et devient un butin de choix pour les voleurs. Le journal de Lille a fait les comptes aujourd'hui. Cette année, une tonne et demie de gousse a disparu des stocks répartis dans la vingtaine de vanilles rec que compte notre île. Explication sur le phénomène avec Bruce Régent. Une tonne 5, c'est 10% de la production annuelle. À ce niveau, même si beaucoup de lianes en sous-bois sont facilement apportées, on ne peut plus parler de simple maraudage. Pour les responsables des coopératives, le lien avec la hausse des cours mondiaux est évident. Une envolée des prix, elle-même provoquée par la mauvaise récolte à Madagascar, où les plantations ont connu la maladie et subi la mauvaise floraison constatée un peu partout, y compris à La Réunion. Des acheteurs seraient donc prêts à débourser 45 euros par kilo de vanille verte, encore pleine d'eau. C'est pourquoi les producteurs demandent davantage de contrôle sur les marchés où ces gousses, qui n'ont pas bénéficié de leurs 9 mois d'affinage, peuvent finir à peine bronzées dans le panier des consommateurs avant de moisir rapidement dans leur cuisine. Un drame pour l'image de la vanille pays. Les producteurs ont donc déjà décidé de riposter. En plus des marques sur chaque gousse, ils sont forcés d'envisager l'installation de caméras dans leur plantation. Bruce Régent, agriculture toujours dans le sud. Au tampon, des agriculteurs implantés autour de Piton-Hyacinthe sont remontés contre la mairie du tampon. Il manque d'eau. 17 d'entre eux attendent parfois depuis plusieurs années que leur exploitation soit desservie par un système d'irrigation pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Selon eux, le maire André Tienakoun s'était engagé en juin à leur fournir un compteur ce mois-ci, mais il ne voit rien venir. De son côté, la municipalité du tampon explique qu'il leur a seulement été promis qu'un soutien leur serait apporté vers le département qui est la collectivité compétente en la matière. Les précisions de Rito Morel, conseiller municipal chargé des problèmes d'eau au tampon. Il est au micro de Pierre Comorassami. Le maire leur a promis des réponses à leurs questions. Il faut absolument aujourd'hui, il ne faut plus gérer la pénurie. Il faut augmenter la ressource. Et augmenter la ressource passe par, pour cette partie ouest de la commune, passe par le pompage de Dacy jusqu'à Pitori-la-Sainte. Et nous, on est prêts. S'il faut qu'on aille, qu'on demande audience à madame la présidente du département. Donc, et ça, on est prêts à les accompagner, à partir rencontrer la présidente pour lui faire comprendre qu'il faut impérativement aujourd'hui arrêter avec les réunions. Il faut impérativement au stade de la réalisation et lancer des appels d'offres sur le pompage de l'eau d'irrigation de Nassy vers Pitori-la-Sainte. Parmi les questions qui se posent aux parents d'élèves en cette période de rentrée, celle de l'assurance scolaire des marmailles. Pourquoi assurer son marmaille et quel type d'assurance choisir ? Élément de réponse avec Jean-Paul Mélade. Les assurances proposent plusieurs types de garanties. L'assurance scolaire à responsabilité civile, elle couvre les dommages causés par l'élève assuré. L'assurance scolaire individuelle accident, l'élève est indemnisé s'il subit des dommages. L'assurance extrascolaire, l'enfant est couvert pour les activités extrascolaires. Avant de vous lancer tête baissée, regardez si les termes de votre multirisque habitation ne couvrent pas justement tous ces risques. Interrogez votre assureur. En fonction de vos besoins, vous choisissez le type d'assurance qui vous convient. Il existe sur le net des comparatifs d'assurance scolaire, mais là aussi prudence, regardez bien si elles prennent en charge les enfants habitant à La Réunion. Certaines mutuelles bien installées sur la place vous proposent des assurances deux en un. Et même quand le bachelier est à l'université, ainsi que son habitation. Enfin, dans certaines conditions, vous pourrez résilier votre contrat en cas de changement de situation ou d'arrêt de scolarisation aux conditions définies dans le document. Jean-Paul Mélade, et juste après ce journal, C'est dans l'actu, s'intéressera aujourd'hui aux fournitures scolaires. Si la plupart des listes ont été communiquées à la fin de l'année dernière, ce n'est parfois qu'au dernier moment que les parents réalisent leurs achats. De la pertinence des effets demandés au budget nécessaire à l'équipement des marmailles, tour d'horizon de ce dossier avec Philippe Dornier, ses invités, Daniel Amouni de la FCPE, Serge Borderès du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale et Jean-Pierre Lajoie de l'UFC. Que choisir ? Nous attendons vos questions et réactions au 0262 99 2000. Et aussi par SMS au 0692 70 2000, ainsi que sur les réseaux sociaux. Je vous le disais en titre, le burkini suscite une polémique qui ne désenfle pas en France hexagonale. Depuis que certains maires ont interdit le port de ce maillot de bain, le Premier ministre Manuel Valls les soutient, même s'il s'est dit opposé à une légifération nationale sur cette question. À La Réunion, rien de tel pour le moment. Le burkini est présent sur les plages sans que cela ait engendré de problème. Et on en trouve à vendre dans des magasins comme celui dans lequel Sophie Persson et David Coinon se sont rendus à Saint-Pierre. Dans ce magasin d'articles musulmans, on vend entre autres des burkinis. Ces derniers temps, on en a vendu pas mal. Après, moi je trouve que c'est quand même intéressant pour les personnes, pour que tout le monde puisse aller à la mer et tout. Nous, ça fait environ 2 ans qu'on fait. Pour cette vendeuse, le burkini ne devrait pas faire polémique. Chacun est libre de s'habiller comme il veut pour aller à la mer. Enfin, moi, j'ai déjà vu beaucoup de personnes s'habiller en t-shirt long et en pantalon pour se baigner à la mer. Donc, je vois pas pourquoi ce vêtement-là ferait polémique en particulier. Après, chacun est libre de défendre ce qu'il veut. Elle-même porte ce maillot de bain qui recouvre tout le corps. Et j'en mets un pour mes cours de natation. Je suis habituée à une façon de m'habiller avec une façon vestimentaire particulière. Donc, pour moi, ce serait très difficile de m'habiller d'une autre façon. Donc, je me sens mieux, je me sens plus à l'aise avec cet habit-là qu'avec un maillot de bain classique, on va dire. La plupart des filles avec qui je faisais les cours de natation en portaient un. Il y en a qui mettent, il y en a qui mettent pas, après c'est à leur guise. Burkini ou non, il n'est pas rare sur les plages réunionnaises de trouver des gens tout habillés dans l'eau. Midi 6 sur Réunion Première, la suite du journal, Antoine Garnier. Avec la dengue qui sévit actuellement en Inde, en Asie du Sud-Est et même dans la région aux Seychelles, et le Zika, toujours très présent dans une zone s'étendant de la Caraïbe à l'Amérique du Sud, comprenant donc les Antilles, l'Agence régionale de la santé de Réunion et Mayotte appelle les voyageurs de retour à la Réunion à la prudence. Il s'agit d'éviter chez nous une propagation de ces maladies transmises par le moustique. Il faut donc vous protéger des piqûres de l'insecte pendant les 10 jours suivant votre retour à la Réunion pour éviter que ces maladies se propagent dans l'île. Si vous avez séjourné dans les zones à risque, Olivier Rey, le directeur adjoint de la veille et de la sécurité sanitaire à l'ARS, a un message pour vous. Le message le plus important que l'on fait passer, c'est de continuer à se protéger des piqûres de moustiques pendant un certain nombre de jours, pendant une dizaine de jours après le retour à la Réunion, pour éviter, si on a le virus dans son organisme, de propager, de participer à la propagation du virus. Donc l'important, c'est vraiment de se protéger. Ça peut paraître étonnant quand on est de retour à la Réunion, ça peut paraître d'autant plus étonnant si on n'a pas vraiment des signes et qu'on n'est pas malade, mais c'est important parce que, je le dis, je le répète, la personne peut avoir introduit ce virus à la Réunion et si elle se fait piquer par un moustique ici, dans les quelques jours qui suivent son retour, ben ça peut enchaîner la propagation de la maladie. Dans l'actualité judiciaire, en bref, le jeune homme qui avait agressé un vendeur de poulet, car il lui refusait de lui donner un poulet gratuit, dimanche dernier au port, a été condamné hier par le tribunal correctionnel de Saint-Denis à 6 mois d'emprisonnement ferme. En sport, les Jeux Olympiques de Rio se poursuivent et le réunionnais Daniel Narcisse et ses coéquipiers de l'équipe de France de handball se sont qualifiés hier pour les demi-finales. Les Bleus ont battu le pays hôte, le Brésil, sur le score de 34 à 27. Auteur de 7 buts, Daniel Narcisse s'est blessé au genou durant la rencontre. Johnny Lérivin a pris de ses nouvelles quelques minutes après. On l'écoute. Non, m'avait peur parce que ma fille s'est pas décroisé, moi, donc... En fait, m'a gagné un coup dans le genou, donc évidemment il fait mal. Mais mon genou la tourne un petit peu en même temps, donc là c'est pour ça que m'avait un petit peu peur. Après le médecin la nuit, il a fait un petit peu les tests, regardé vite fait, le croisé est encore là, donc on m'a dit bon allez, il faut serrer les dents, la douleur va passer. Finalement, les gars encore là. Comme il dit, Kafna cette peau. Et voilà Daniel Narcisse que l'on devrait retrouver tout de même sur le parquet pour la demi-finale contre l'Allemagne. Un match qui est programmé demain soir. En athlétisme, en revanche, fin de l'aventure olympique pour la réunionnaise Cindy Billot. Elle a été éliminée hier en demi-finale du 100 mètres haies. Et déception tricolore également en basket. Tony Parker et ses coéquipiers n'ont pas résisté aux Espagnols en quart de finale de ces Jeux. Score final sans appel, 92 à 67. Triste fin pour trois piliers de cette équipe de France de basket. Tony Parker, Florent Pietrus et Michael Gélabal qui mettent un terme à leur carrière internationale. Reportage à Rio, Martin Baumer. Ce buzzer est le dernier pour certains joueurs en équipe de France, car plus que la fin d'un tournoi, c'est la fin d'une génération que cette défaite contre l'Espagne a signée. Dans les tribunes, pour assister au dernier match de Tony Parker sous le maillot bleu, son grand ami, le judoka guadeloupéen Teddy Riner. Lorsqu'on sait la saison qu'ils ont passée, on aurait voulu qu'ils repartent avec une belle médaille. Et surtout pour le dernier match de Tony, on aurait voulu aussi que sa carrière au sein de l'équipe de France s'arrête avec quelque chose de beau autour du cou. Mais en plus de l'emblématique Tony Parker, deux autres joueurs ont décidé de raccrocher avec les Bleus. Deux joueurs très proches l'un de l'autre, les deux Guadeloupéens, Michael Gélabal et Florent Pietrus, dont la décision était prise depuis plusieurs mois. J'ai passé 15 ans de ma vie à venir chaque été et à sacrifier parfois ma vie de famille pour venir avec cette équipe. Me battre avec cette équipe, voilà. On a pleuré, on a ri, on a rigolé, donc voilà. Je retiendrai que le positif parce que ça a été vraiment une très belle aventure. Et son meilleur souvenir à Flo Pietrus, c'est le titre de champion d'Europe en 2013 et notamment la demi-finale contre l'Espagne. Désormais, des souvenirs, cette équipe devra s'en créer avec l'autre Guadeloupéen, Rudy Gobert. Chaque année, il y en a qui partent, mais là, c'est pas n'importe qui. Donc, on a des mecs derrière qui sont prêts. Ce sera un nouveau cycle, mais je pense que l'équipe sera aussi bonne. Rudy Gobert a dit tout son immense respect à ses trois nouveaux retraités. Flo Pietrus, lui, s'est dit honoré d'avoir servi l'équipe de France. Reportage signé de notre envoyé spécial à Rio, Martin Baumer. Avant de refermer ce journal, un rappel, l'émission culturelle de la rédaction de Réunion Première, Culture Première, passe du vendredi au jeudi en cette rentrée. Jean-Paul Mélade recevra ce soir Davy Sicard, le poète Henri Darty, et on parlera également Maloya avec Ticaré, un nouveau groupe qui vient de sortir un album. Il est 12h et presque 12 minutes. Vous êtes sur Réunion Première, c'est la fin de cette édition. Et tout de suite, tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. Que se passe-t-il dans le monde? La réponse avec nos confrères de France Info. L'essentiel de l'actualité, cette fois, c'est devant la justice qu'ils vont s'expliquer. Les 5 hommes arrêtés après la rixe de samedi à Cisco, en Haute-Corse, jugés cet après-midi. 2 habitants du village, 3 personnes également d'origine maghrébine. Explication du procureur, on a d'un côté la volonté de s'approprier la plage, de l'autre, une surréaction des villageois. Du vent, de la sécheresse, terrain tristement idéal pour attiser l'incendie en Californie. 12 000 hectares détruits en 24 heures, le tout à une centaine de kilomètres à l'est de Los Angeles. 3 morts, 40 blessés dans un attentat attentat à Van dans l'Est de la Turquie ce matin. Voiture piégée devant un commissariat. Les autorités l'attribuent aux Kurdes du PKK. La circulation des trains ralentit ce matin dans le sens Montpellier-Nîmes. Conséquence de cet accident, hier, un TER a percuté un arbre tombé sur la voie à cause de l'orage. 9 blessés, dont un grave, mais il n'est plus en danger de mort ce matin. La bourse de Paris, Antoine Verlin, petite hausse à l'ouverture. Et oui, Ariane, le marché parisien progresse après 15 minutes de cotation. Le CAC 40 gagne 0,38% à 4434 points. Sur le marché des devises, l'euro est en hausse face au billet vert et s'échange contre $1.1319. Et côté valeur, cette hausse de l'euro pénalise Airbus Group qui recule d'1,22%, alors que dans le haut du palmarès, ArcelorMittal se distingue et progresse d'1,92%. Le CAC 40 est en hausse de 0,39%. Il remonte à 4434 points. Antoine Verlin. Vous êtes bien sur Réunion Première. Philippe Dornier et Ingrid sont là. Bonjour. Bonjour Antoine. Bonjour, bonjour à tous. Antoine. Dans quelques instants, c'est dans l'actu, Philippe. On parle des effets scolaires, la galère des parents pour trouver un bon cahier ou un cartable pas trop cher. C'est dans l'actu. Des parents représentés dans notre débat par Daniel Amouni de la FCPE. Il débattra avec un chef d'établissement, Serge Bordorès, et avec Jean-Pierre Lajoie de l'association de consommateurs UFC. Que choisir ? Budget, marque, choix, exigence des listes. Donnez votre avis sur tout ce qui touche aux fournitures scolaires. Vous nous appelez au 02 62 99 2000. C'est dans l'actu dans un instant. Tout de suite, la météo. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Ce midi, les éclaircies reviennent à Saint-Benoît et à Saint-André. De Saint-Denis à Saint-Pierre en passant par Saint-Leu, le soleil brille généreusement. Et même type de temps à Mafate et à Sillaos. Et le volcan reste bien ensoleillé lui aussi. Dans l'après-midi, quelques averses sont possibles à mi-pente, à la plaine d'Échicot ou encore à la plaine d'Afouche. Dans les cirques, les nuages deviennent majoritaires et au bord du lagon, les débordements nuageux viennent brouiller le ciel bleu. Sur l'est, une nouvelle bande nuageuse abordera le littoral, altérant cette impression de beau temps. Et de faibles averses sont possibles. La lisée de sud-est est modérée avec des rafales de 50 km/h à Saint-Pierre. Et sur les plages de l'ouest, les brises dominent. La mer est peu agitée à agiter. Et il y notait une présence d'une petite houle d'alizée et d'une petite houle de sud-ouest dans le sud sauvage. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi, sur les étals des marchés de notre île, avec vous. C'est la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première. À 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place ? Réunion Première vous invite pour Enfants Illois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Tu es étudiant, jeune actif ? Tu cherches un stage, une formation, un emploi, une bourse, un logement ? Tu veux te faire un réseau ? Toutes les réponses à tes questions sont au Campus Outre-mer, le 3 septembre de 10h à 22h, dans le jardin du ministère des Outre-mer à Paris, avec le village, les ateliers, le prix des trois océans et le concert. Samedi 3 septembre, tous au ministère des Outre-mer. Plus d'infos et inscriptions obligatoires sur www.campusoutremer.org. Allô. Oui, ni hao. Bonjour. Bonjour. Je voudrais apprendre le chinois. Oh, 你想学汉语, 没问题, pas de problème. Débutant, faux débutant, intermédiaire ou avancé, l'Institut Confucius vous propose dès la rentrée de septembre des cours de chinois à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Plus de détails sur confucius.univ-reunion.fr. Le chinois, c'est très facile. L'Institut Confucius vous attend. Première. Vous écoutez Réunion Première, il est midi 17. Les fournitures scolaires, c'est dans l'actu. Philippe Dornian parle ce midi avec ses invités. La rentrée, ce n'est pas seulement la reprise des cours, c'est aussi le moment où on retrouve les copains, les copines. L'occasion de raconter ses vacances et très vite de montrer sa nouvelle trousse ou son cahier de texte tendance. Mais tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir des cartables à la mode, ça coûte évidemment plus cher qu'un sac basique. Et même si certains parents bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire, boucler les achats n'est pas toujours facile. Financièrement, bien sûr, mais aussi parce qu'on ne trouve pas forcément tous les articles demandés par les profs. Les listes distribuées en fin d'année scolaire pour la suivante sont parfois fantaisistes. Et puis, si on s'y prend trop tard, eh bien dénicher le protège-cahier gris petit format ou le cahier 24-32 petit carreau relève de l'exploit. Quelles sont les astuces pour moins dépenser en vue de la rentrée? Est-ce que les fournitures demandées vous semblent réalistes? Comment ne pas succomber à l'influence des marques? C'est dans l'actu sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Prenez part au débat 02 62 99 2000. 99 2000. Un débat qui se passe aussi bien sûr avec vous au 02 62 99 2000. Vous pouvez nous envoyer également vos textos au 06 92 70 2000. Et puis les réseaux sociaux comme d'habitude, la page Facebook C'est dans l'actu et le hashtag CDLA première pour Twitter. Trois invités avec moi ce midi. Daniel Amouni, président de la FCPE Réunion. Bonjour. Bonjour. Fédération de parents d'élèves. Serge Bordorès, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire académique du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale. Ça regroupe des chefs d'établissement qui donc chapeautent évidemment tous les professeurs qui donnent ces fameuses listes de fournitures scolaires. Et puis côté consommateur, Jean-Pierre Lajoie est avec nous ce midi. Bonjour. Bonjour. Membre de l'UFC Que Choisir, association de consommateurs. Alors les élèves de primaire ont repris l'école mercredi. Aujourd'hui pour les lycéens et puis la rentrée elle est échelonnée dans les collèges. Daniel Amouni, est-ce que vous avez déjà des premiers retours et lesquels pour le moment? Non, actuellement, il n'y a pas de retour particulier sur la rentrée en elle-même. Donc, il faudra attendre, je pense, début de la semaine prochaine pour éventuellement avoir des retours s'il y a des problématiques rencontrées dans tel ou tel établissement. Mais voilà, aujourd'hui, moi, j'ai juste un parent qui m'a contacté parce que son enfant n'a pas encore de place dans l'établissement, donc on va s'en occuper. Mais au-delà de ça, pour l'instant, pas grand-chose à signaler. Oui, ça, c'est plus inquiétant que voilà. De ne pas avoir ses effets scolaires, effectivement, de ne pas avoir de place. Mais globalement, vous avez l'habitude de gérer ces rentrées. Ça fait longtemps que vous vous occupez de la FCPE. Quelles sont les remarques qui reviennent généralement? C'est variable. C'est souvent le plus souvent c'est les problèmes éventuellement de place dans les établissements parce que malheureusement à la rentrée on a encore j'ai un cas sur le tampon où un enfant n'a pas de place en internat par exemple. Donc c'est plus ce genre de situation là que d'autres problèmes. Après on aura peut-être des remontées sur l'absence de professeurs ou de manque de professeurs ou de etc. Mais c'est pas encore le cas là. C'est vraiment les premiers jours de rentrée où on fait connaissance avec son emploi du temps, on fait connaissance avec les professeurs. Et la rentrée, réellement, je vais dire, les cours vont démarrer, et je parle là sous le couvert du syndicat, c'est à partir de lundi que les choses vont réellement commencer. Et c'est là où on verra les premiers problèmes, s'il y en a. Et il n'y en a pas forcément, et on souhaite qu'il n'y en ait pas. Alors le sujet du jour, ce sont les fournitures scolaires. On va y revenir raisonnablement. Jean-Pierre Lajoie, c'est quoi le budget à consacrer aux fournitures? Ben, chez nous, on nous a remonté des prix qui varient entre 60 et 100 euros. D'accord. En moyenne. Alors, pour le budget global? Oui, pour les fournitures scolaires. Je ne parle pas du sac, ni des articles de sport. D'accord. Donc, fournitures scolaires, ça suppose les cahiers. Les cahiers, toutes ces choses-là, quoi. D'accord. Rappelez-nous ce budget? Entre 60 et 100 euros. 60 à 100 euros. Est-ce que ça vous semble raisonnable par rapport à ce qui est demandé, par rapport aux listes qui sont fournies? Oui, ça paraît raisonnable. Seule chose qu'il faut faire, c'est faire très attention où on fait ses achats et qu'est-ce qu'on achète. Parce que là, les prix, ça peut flamber complètement. Hein. Oui, alors c'est quoi les conseils à donner? Il est un petit peu tard, évidemment. Les achats sont déjà faits à 90%, on va dire, parce qu'il y a toujours des ajustements. Oui. Mais c'est toujours bon à savoir. Oui, ben, écoutez, nous, on a remarqué que la première chose, c'est de faire jouer la concurrence. Ça, c'est clair. Alors, les moins chers, pour nous, ce sont les hypermarchés. Ensuite, arrivent les supermarchés. Et les plus chers, ce sont les magasins spécialisés. Les librairies. Les... Voilà. Mais d'accord. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas un bon service dans ces établissements-là, peut-être même des produits différents des supermarchés. Des produits, alors est-ce que c'est la qualité qui se paie ? Voilà, c'est la qualité et le service, le conseil, ou bien l'intégralité de la liste dans certains magasins spécialisés. Eh bien, ils avaient tous les produits pour toutes les listes, pratiquement. Alors, vous êtes chef d'établissement, je le disais, Serge Bordorès. Quel est le rôle d'un proviseur, d'un principal en collège, un proviseur en lycée ou un directeur d'école pour les écoles, par rapport aux enseignants, par rapport à l'équipe, pour ces listes de fournitures scolaires ? Principalement, essayer d'harmoniser les demandes venant des équipes enseignantes, bien entendu. À partir du respect d'une directive qui, tous les ans, suit la circulaire de rentrée du ministère de l'Éducation nationale concernant une liste modèle de fournitures scolaires qui est systématiquement annexée et sur laquelle on se base pour proposer, construire une liste de fournitures scolaires pour nos élèves des différents établissements scolaires. Alors, que dit cette liste type, globalement ? Est-ce qu'elle est suivie par la plupart des enseignants ? C'est pas qu'elle soit suivie par les enseignants, c'est qu'elle doit servir de modèle justement à la constitution de cette liste de fournitures scolaires. Modèle qui est utilisé par rapport à la mise en place d'une commission de fournitures scolaires que chaque établissement scolaire met en place dans le courant du deuxième trimestre de l'année scolaire et qui est constitué d'enseignants, coordonnateurs de discipline, représentants des équipes enseignantes et aussi de parents d'élèves que l'on souhaite faire participer à cette commission de fournitures scolaires et on se charge en essayant de respecter au maximum une liste de fournitures raisonnable financièrement, raisonnable quant aux attentes des enseignants, la constitution de ces listes de fournitures scolaires. Alors ça, c'est la difficulté peut-être à concilier, Daniel Amouni, les exigences des enseignants qui veulent parfois certains matériels, certains types de cahiers, etc., par rapport à ce sujet-là des fournitures scolaires. Alors, sur le sujet des fournitures scolaires, donc, on vient de rappeler l'existence donc, d'une liste préconisée par le ministère de l'Éducation nationale. J'entends aussi avec satisfaction parler de commission pour l'élaboration de ces listes. Le constat que l'on fait, en tout cas dans les établissements où nous sommes présents, c'est que ces commissions ne fonctionnent pas, en tout cas pas avec les parents, et ce que l'on regrette. Et on est obligé parfois d'insister lourdement pour que, déjà, qu'il y ait une commission dans les établissements, et deuxièmement, qu'on y associe les parents. Donc, pour l'instant, ça, dans certains établissements, ça se fait. Je confirme. Mais dans... Vous confirmez quoi ? Que ça se fait dans certains... Que ça se fait dans les établissements scolaires. Pas dans tous les établissements, malheureusement. Et notamment, je prends l'exemple de mon école. Hein, je veux dire, on a demandé. Il y a eu une commission, mais où il n'y avait pas les parents. C'est-à-dire que les enseignants ont fait leur liste. Après, on nous a transmis pour demander notre avis. Mais à quelques jours avant la fin des vacances, c'est difficile d'échanger. Donc, on a plus validé le principe qu'autre chose. Donc, il y a des établissements où malheureusement, c'est pas encore le cas. Et il faudrait effectivement qu'on arrive à ce que dans tous les établissements que ces fameuses commissions fonctionnent. Alors c'est quoi le rôle de ces commissions précisément ? C'est d'élaborer les listes en se basant des préconisations des essentiels, donc de la liste essentielle du ministère de l'Éducation nationale, pour arriver donc à ce qu'on ait des listes qui soient le plus utile et avec le moins de choses, je dirais. Ça va par exemple sur est-ce qu'il faut un cahier de 96 pages absolument ou peut se contenter d'un cahier de 48 pages. Voilà, c'est des discussions qu'il doit y avoir, des échanges qu'il doit y avoir au sein de cette commission, et cette liste doit ensuite être validée par soit le conseil d'administration, le conseil d'école quand il s'agit d'école primaire. voilà, donc cette étape-là, aujourd'hui, elle n'est pas encore tout à fait rentrée, je dirais, un petit peu dans les mœurs, dans l'ensemble des établissements. Il y a encore des établissements où ça ne se fait pas encore, et notamment lorsqu'il n'y a pas d'association de parents d'élèves On constate souvent que les listes ne sont pas faites en concertation, alors qu'il y a une directive ministérielle qui demande à ce que ce soit fait en concertation avec les parents d'élèves. Alors, est-ce qu'on peut quantifier, Daniel Amouni, le nombre d'établissements, le pourcentage où ça existe et... c'est difficile. Nous avons plus de 600 établissements à La Réunion. On n'est pas présent partout, mais en tout cas, dans les établissements où nous sommes présents, aujourd'hui, ça commence, depuis un an ou deux, ça commence à se mettre en place. Mais il y a encore, comme je disais, dans l'établissement où je suis, depuis l'année dernière, on essaye de mettre en place. Donc, il y a une commission qui se met en place, mais elle ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Donc, c'est assez difficile à quantifier parce que tout dépend, en tout cas, si concerne la SCPE, si nous sommes présents ou pas présents dans l'établissement. Je reste sur son point-là parce qu'effectivement, c'est important que les parents soient représentés dans ces commissions. Serge Bordorès, comment faire pour leur donner davantage la parole ou qu'ils la prennent? C'est une question d'initiative aussi? C'est une question d'initiative, c'est une question d'engagement, une question d'implication des parents, une question de liaison, de relations renforcées avec les équipes de direction des établissements scolaires, les équipes enseignants et les parents d'élèves, qui sont plus ou moins impliqués selon les établissements scolaires. C'est encore plus délicat, très impliqué en école primaire, un petit peu moins impliqué en école, dans les collèges, encore moins en lycée, encore moins en lycée professionnel. Donc c'est une volonté, de la part des équipes de direction, encore une fois, et des collèges et lycées, de faire participer les parents. Hein. Vous êtes des interlocuteurs privilégiés justement pour le suivi de la scolarité de nos enfants, j'allais dire, de nos élèves, de nos enfants. Mais après, oui, c'est toujours délicat. Oui, c'est une volonté, oui. C'est une volonté, effectivement, des établissements scolaires, avec les parents et leur implication, de participer à encore une fois, la priorité pour la constitution de ces listes de fournitures scolaires, pour nous, c'est d'être le plus raisonnable possible financièrement, encore une fois, ne pas... C'est un paramètre vraiment pris en compte. Oui, oui, bien sûr, oui, tout à fait. Non, mais il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Dans cette société de consommation de plus en plus importante, c'est vrai qu'il faut encore raison garder. Et puis, on essaye de limiter, d'harmoniser les demandes des équipes enseignantes, hein, bien entendu, avec l'aide des parents. Alors, on a un premier SMS au 06 92 70 2000. Bonjour, c'est Dominique de Sainte-Marie. Est-ce qu'il y a un site internet indépendant où on peut comparer les prix? Une question intéressante. Est-ce que ça existe? Alors ici, à La Réunion, je n'en connais pas. Par contre, je sais qu'en métropole, il existe un site qui s'appelle scoleo.fr où les gens peuvent déposer leur demande de liste et les achats sont faits sous forme d'une sorte de coopérative d'achat et qui facilite bien les choses parce que là, on ne choisit pas la marque, rien du tout. On envoie ce dont on a besoin et ils le font parvenir. Mais pas de chance, je n'ai pas l'impression qu'ils livrent sur La Réunion. Enfin, je n'ai pas pu le vérifier, mais... Avec quels critères, justement, sont faits les achats? Vous dites qu'il n'y a pas de marque, etc. C'est forcément le moins cher qui est retenu? Il se fie à des listes types et ils achètent en groupage, si vous voulez, donc ils ont des prix préférentiels. Est-ce que ça peut exister ici à La Réunion, Daniel Amouni? Sous la forme de site aujourd'hui, ça, effectivement, à La Réunion, j'en ai pas connaissance, mais nous, on s'y intéresse depuis pas mal de temps et nous proposons à nos adhérents passer par nous pour commander leur fourniture scolaire, puisque nous avons négocié avec des libraires, donc des tarifs pour nos adhérents. Et vous les présentez, ces tarifs, en avance ou comment ça se passe? Alors là, c'est toujours fonction, encore une fois, des listes que l'on nous remet au niveau des établissements. Malheureusement, cette année, nous avons eu les listes dans la dernière semaine de l'école. Et donc, du coup, on n'a pas pu vraiment informer nos adhérents de cette action. Et donc, ça a été fait un peu plus tardivement. Donc, du coup, cette année, on n'a pas eu beaucoup de parents. On en a eu sur une école, sur Boucan-Canotte, hein, l'école primaire. On en a eu sur Gilles-Huillette à Sainte-Anne. Mais voilà, on aurait pu faire beaucoup mieux si nous avions eu les listes beaucoup plus tôt. Et ça, c'est une question de calendrier. C'est-à-dire, il faut que les établissements, ils prennent le temps de préparer avec nous les listes depuis février-mars pour que, justement, au mois de mai, soit prêt pour qu'on puisse informer suffisamment tôt les parents d'élèves, nos adhérents, qu'ils pour qu'ils puissent s'adresser à nous, s'ils le souhaitent, bien sûr, pour pouvoir donc bénéficier de ces tarifs qui est de l'ordre de 25 à 30% de remise que nous avons pu obtenir auprès de nos fournisseurs. Oui, c'est pas négligeable. Serge Bordorès, est-ce que les chefs d'établissement peuvent encourager ce genre d'initiative des coopératives qui se mettront en place pour... Oui, tout à fait. C'est sur le principe du groupement d'achat. Oui, tout effectivement, fait. C'est tout bénéfice pour les parents d'élèves. Nous, de toute façon, la priorité de nos de cette constitution de liste de fournisseurs scolaires, il y a deux priorités. La première, c'est effectivement le coût financier qu'on essaie de réduire au maximum, parce que même s'il y a effectivement des allocations de rentrée scolaire possibles, nous avons aussi des fonds sociaux collégiens et lycéens qui permettent aux familles ayant le plus de difficultés de pouvoir justement avoir toutes ces listes de fournitures scolaires. Et la deuxième priorité, c'est aussi le poids de cartable. C'est vrai qu'on accorde une grosse importance à réduire au maximum justement le poids des cartables pour les élèves qui rentrent en début d'année, notamment les petits sixièmes, nos élèves de sixième qui ont des sacs qui sont pratiquement plus gros que leur propre poids. Image un peu caricaturale, mais qu'on voit. Donc ça peut. Je vous dis encore une fois, c'est les deux priorités qui nous occupent dans la constitution des listes de fournitures scolaires. Donc le coût financier et le poids des cartables. Les fournitures scolaires qui sont dans l'actu ce midi sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Prenez part au débat 02 62 99 2000. Et le 02 62 99 2000, c'est pas le seul numéro à composer. Il y a aussi le 06 92 70 2000 pour vos textos. Jean-Michel de Saint-Denis revient sur ce qu'il a entendu hier soir dans un magazine sur Réunion Première. C'est effectivement un nouveau magazine qu'on a diffusé hier soir, qui a été lancé hier soir, un magazine de 40 minutes dans les coulisses d'eux. Et là, on était dans les coulisses de la rentrée. Et Jean-Michel nous dit, j'ai entendu un père de famille dire que l'allocation de rentrée scolaire devrait être plus élevée pour pouvoir se payer un nouveau canapé ou une nouvelle télé. Je trouve ça insultant pour ceux qui n'y ont pas droit, nous dit Jean-Michel. Ça tombe bien, parce qu'on avait prévu de vous faire écouter cet extrait qui a fait beaucoup parler, effectivement. En fin de compte, l'agent scolaire l'a passé, parce qu'il a pour acheter le bon effet, pour acheter des affaires. Et après, pour m'acheter mon télé, mon canapé, il ne reste rien. Donc, le gouvernement, il faut faire un petit effort dessus, comme ça, augmente à un petit 200 euros par maman, il était joli, ouais. Il n'a pas besoin de canapé pour aller en classe. Mais maman, il s'agit de moi, si j'adore, sinon. Maman, il garde télé. Maman, il garde télé. Comprends ? Ça fait partie du circuit, ça, comprends ? Voilà, c'était donc un parent d'élève parmi tant d'autres, interrogé par Olivier de la Richaudie, et donc qu'on a entendu dans ce magazine, dans les coulisses de la rentrée hier soir. Alors, visiblement, c'était pas du second degré, hein. Olivier de la Richaudie nous a raconté, il a discuté un petit peu avec lui, c'était vraiment du premier degré. Qu'est-ce que ça vous inspire aux uns et aux autres, Daniel Amouni, pour la FCPE? Ce qui nous inspire, c'est pas un exemple, je dirais, qu'il faut suivre, hein. L'allocation de rentrée scolaire, c'est pour aider donc les parents à équiper les enfants pour la rentrée scolaire. Donc c'est pour les fournitures scolaires. Alors le papa dit les enfants se mettent dans le canapé, ils regardent la télé, pas moi. Oui, ça m'étonnerait que les enfants occupent seuls le canapé. Mais les enfants, oui, ils ont le droit à la détente, c'est sûr, mais ça fait partie de l'éducation globale, mais c'est pas pour autant qu'on doit se servir de ce prétexte pour se dire on utilise l'argent de rentrée scolaire pour acheter un canapé. Non, l'argent de rentrée scolaire, comme son nom l'indique, c'est pour la rentrée scolaire. Donc les fournitures scolaires, le sac, les vêtements, s'il faut, parce que les enfants, effectivement, ils grandissent vite et les vêtements changent souvent, les chaussures, etc. Mais il faut pas non plus attendre à ce que le gouvernement donne 200-300 euros de plus pour pouvoir permettre d'assouvir, je dirais, un petit peu tous ces désirs. Non, ce serait presque augmenter des deux tiers, parce que l'allocation, oui, elle est à 363 euros pour les 6-10 ans, 383 pour les 11-14 ans et pratiquement 396-29 pour les 15-18 ans. Jean-Pierre Lajoie. Oui, mais moi, je vais en rajouter une couche, parce que allez-y. Si vous regardez les catalogues des supermarchés, c'est bien marqué, rentrée scolaire, et vous les feuilletez, vous trouverez du vin, du whisky, oui, pour le papa. Et bon, ça me paraît un peu scandaleux, parce que c'est pas du tout, c'est complètement décalé, mais bon. Oui, les effets scolaires. On est malheureusement, comme on disait, dans une société de consommation. Et il est vrai, coïncidence, on constate que souvent, quelques jours avant le versement de la rentrée de l'allocation de rentrée scolaire, des publicités qui fleurissent pour la rentrée, équipez-vous d'un canapé, d'un téléviseur. Donc, c'est la société, mais il faut que les parents comprennent, enfin, je pense qu'ils le savent pour la majorité, que c'est pour les enfants et pas pour se faire plaisir. Serge Bordorès, sur cet extrait qu'on a entendu. Oui, par rapport à ce que vous disiez, UFC que choisir concernant le coût des listes de fournisseurs scolaires entre 60 et 100 euros, on voit l'allocation de rentrée scolaire qui est à 360 à 380 euros. Donc, c'est vrai qu'une liste de fournitures scolaires, ce n'est pas seulement des cahiers, des. Je vois par exemple en lycée professionnel. C'est les vêtements, par exemple, et puis les outils. En lycée professionnel, par exemple, selon certaines formations, oui, il y a des outils aussi qu'on demande de sécurité, qui rentrent. Oui, il n'y a pas que ça. Chaussures de sécurité, l'assurance, la coopérative, etc. Donc, mais cette, on se rend compte quand même que cette allocation peut couvrir les frais liés à la scolarité des élèves en début d'année. Il faut pas trop s'égarer quand même. 360 euros, c'est pas énorme. Ça peut être suffisant, mais c'est quand même pas énorme. Et encore une fois, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que qu'être scandalisé par la réponse de ce père de famille. Alors, effectivement, ça nous amène à parler aussi des marques, puisqu'il y a cette influence toujours, à chaque fois, c'est pas qu'à la rentrée, hein, c'est toute l'année. Marie du Tampon nous dit bonjour sur notre canal SMS 06 92 70 2000. Je ne sais pas si je peux donner la marque, nous dit-elle, mais pour les feuilles de dessin, les profs demandent systématiquement une célèbre marque. Est-ce qu'ils ont des actions là-bas ou ce sont les autres marques qui sont vraiment nulles? Voilà, c'est sa question. Voilà, on voit à quoi elle fait référence, mais est-ce qu'il faut absolument acheter cette marque-là parce que effectivement les profs mettent souvent cette marque-là pour le dessin. Normalement, le professeur donne une liste, mais ne donne pas de marque. Il n'a pas le droit de. Il a le droit. Non, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de dire aux parents quoi acheter. On donne la liste, mais c'est ensuite aux parents d'aller faire ces achats, soit auprès, je dirais, de achats groupés auprès de ceux qui le font, ou soit directement eux-mêmes dans les supermarchés, librairies, etc. L'enseignant, il donne la liste, mais il ne donne pas la marque. Et pourtant, Jean-Pierre Lajon, on la trouve, cette marque-là. Oui, bien sûr. Bon, j'ai une liste de classe maternelle, il y a deux cahiers. Deux petits cahiers à carreaux, deux cahiers à dessin, des feutres, des pastels de la marque Bic, lavable à l'eau et des frais de coopérative de 40 euros. Alors qu'il n'y a pas que Bic qui fait, on ne va pas leur faire de pub pour autant, mais comme pour les cahiers, il y a plusieurs marques. Encore une fois, ça rejoint les préconisations pour les responsables d'établissement. Oui, bien sûr. Ça rejoint les préconisations de la circulaire de rentrée, ce modèle de circulaire de rentrée. Oui, on ne doit pas privilégier absolument pas un certain nombre de marques. Nous, on doit être vigilants au niveau des personnels de direction sur justement la constitution de la liste des fournitures scolaires, la constitution de la liste des fournitures scolaires sur qu'il n'y ait pas d'escalade concernant la demande de marques précises. Quand vous voyez qu'il y a une marque, est-ce que ça passe par vous, la liste? Oui, bien sûr, ça passe obligatoirement par moi, par les personnels de direction. Nous la validons en conseil d'administration, en tout cas ce qu'on présente. Quand il y a une marque comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème quelque part. C'est ce que je voulais dire. Quand nous la présentons en conseil d'administration pour validation, je me charge avant d'avoir précisé qu'il n'y aura aucune marque de présente sur la présentation de ces listes de fournisseurs scolaires. Et tous les établissements scolaires doivent normalement le faire de la même façon. Alors, Daniel Amouni. Quand c'est présenté en conseil d'administration, lorsque c'est discuté, etc., généralement ça se passe bien, on reconstate. Mais encore une fois, il y a des établissements, et je le répète, où c'est chaque enseignant qui fait sa liste, il n'y a pas forcément un contrôle derrière, ça ne passe pas forcément en conseil d'administration, ça ne passe pas forcément en conseil d'école. Et là, il peut y avoir des petits dérapages, non pas volontaires, mais souvent parce que par habitude, on met telle marque, etc. Et donc, si ce travail de commission... Et si cette commission existait dans tous les établissements, on n'aurait plus ce genre de dérapage. Et c'est aussi valable, parce que j'entendais parler à côté de la coopérative, on oublie souvent de dire aux parents qu'elle est facultative. Oui, c'est-à-dire on donne la liste et puis on dit, là, comme c'est écrit sur la liste, 40 euros pour la coopérative. D'accord. Donc le parent, il a l'impression qu'il faut qu'il paye 40 euros pour et la coopérative. C'est pas le cas, en fait. La coopérative, c'est comme l'association de parents d'élèves, c'est comme l'UCEP, c'est du facultatif. Et effectivement, il y a beaucoup de parents qui pensent que bah, du coup, c'est marqué, donc il faut payer. Voilà. Quoi. Et vous avez aussi dans certains établissements, notamment dans les écoles maternelles, où on demande aux parents 40 euros parce qu'il y a des fournitures scolaires avec. Or, ce n'est pas à la coopérative d'imposer aux parents l'achat des fournitures scolaires. Le parent, s'il ne veut pas passer par la coopérative, c'est son droit. S'il ne veut pas passer par une association de parents d'élèves, c'est son droit. Et donc, il faut qu'il ait tous les éléments. Or, la plupart du temps, lorsqu'on présente les listes, on la présente comme si c'était obligatoire. Les courses, il faut les faire avec ses enfants pour qu'ils aient leur mot à dire ou sans eux et pour privilégier le budget. C'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Jean-Pierre Lajoie. Bah, si les parents amènent les enfants, on a vu ça dans les grandes surfaces, eh bien, l'enfant dit « je veux ça ». Et les parents, bah, souvent, cèdent. Et là, vous faites flamber les prix parce que... Et flamber le stress aussi, non ? Bien sûr. Et le porte-monnaie, voilà. Et est-ce que le meilleur moyen, c'est pas de préparer ça un petit peu en amont, d'en discuter à la maison, il faut du dialogue autour de ça aussi, non ? Je pense qu'il vaudrait mieux en avoir parlé avant, oui, on va discuter avec les enfants, leur expliquer ce qu'on a l'intention d'acheter et à quel niveau de qualité, quoi. Fixer des règles ? Avoir des règles claires, quoi. Mmh. Bon, d'ailleurs, on m'a signalé que il y a pas mal de familles qui ont trouvé des produits à pas trop cher dans les magasins de solderie. Ah. Alors, il semblerait que la qualité ne soit pas toujours au top, mais du point de vue budgétaire, effectivement, ils s'y retrouvent et ils se rabattent beaucoup là-dessus. Alors après, on dit le bon marché coûte cher parfois parce que bah il faut changer en cours d'année un protège-cahier qui déchire. Ou c'est difficile de faire le bon choix. Certaines familles sont guidées forcément par le budget, donc là, sont obligées d'aller au moins cher. Mais finalement, quel est le conseil qu'on donne dans ces cas-là ? Le conseil d'abord, c'est de faire le tri de ce qui n'a pas été utilisé ou peu utilisé l'année précédent. Ah bah là voilà, c'est une bonne idée. Ensuite, donc à partir de là, qui a été utilisé mais qui est encore valable. Voilà, ouais, comme je lui disais, 96 pages, et on utilise un tiers. Ouais. Voilà, c'est on donc peut il déchirer faut déchirer les pages qui ont été utilisées puis oui, le ou prendre le cahier à l'envers aussi. Il y a plusieurs choses. Donc il faut déjà faire cet inventaire là pour ne pas avoir racheté des choses qu'on a déjà et qui n'ont pas été utilisées et donc de le rayer de la liste de courses à faire. Ça c'est le premier conseil, la première chose à faire. Ensuite, il faut bien sûr, en fonction de ses possibilités, de ses moyens, se fixer un budget. Faire plaisir à son enfant, oui, mais sur un article ou deux, mais pas sur toute la liste. Parce que là, effectivement, le budget va exploser. Et puis, de manière générale, bon, après, ça dépend. Je veux dire, c'est aussi, ça fait partie de l'éducation que l'on donne à son enfant, lui expliquer qu'on ne peut pas tout avoir, qu'on ne peut pas avoir toutes les marques, etc. Qu'il faut qu'il fasse des choix. Il y a un budget respecté, il faut l'expliquer. Voilà, ça fait partie de l'éducation que l'on donne à son enfant. Lui faire plaisir à son gamin. Tous les parents veulent faire plaisir à leurs enfants. Mais quand vous avez 3-4 enfants, parfois, où il faut faire la rentrée, ben il faut faire des choix. Et même quand on en a un, hein, il n'est pas parce qu'on a un enfant qu'on doit le gâter, gâter pourri, comme on dit chez nous. Hein. Mais il faut faire la part des choses. Et après, c'est une question de moyens. Si on a la possibilité de faire plaisir à son enfant, écoute, je veux dire, chacun est libre. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier notamment que les enfants, notamment lorsqu'il s'agit des chaussures ou des vêtements, ils grandissent. Et aller mettre 120, 150 ou 200 euros dans une paire de chaussures à la mode qui, au bout de 6 mois, n'est plus. Ben, l'enfant ne peut plus le mettre parce que son pied a grandi, ben, c'est peut-être pas forcément une bonne façon de lui rendre service, quoi, quelque part. Serge Bordorès, c'est aussi un message éducatif quand on fait les achats. Oui, bien sûr, oui, mais l'éducation, ça appartient aux parents, encore sûr, une fois, oui. Prioritairement. Donc c'est la relation de chaque parent avec ses enfants dans l'achat de ses listes de fournitures scolaires. Hein, rien de particulier à rajouter, si ce n'est que dans la constitution des listes de fournitures scolaires, je sais que dans le collège dans lequel je suis personnel de direction, on a insisté lourdement sur ce que vous disiez concernant la taille des cahiers. Mm-hmm. Prendre des cahiers de 200 pages tous les ans, en utiliser que 50 sur une discipline, à un moment donné, c'est vrai qu'on demande aux enseignants de ne proposer dans la liste de fournitures scolaires que des cahiers de 90 pages et que ça suffira largement. Et puis on se rend compte qu'on a souvent raison. Donc c'est un travail qu'on fait en commission de fournitures scolaires.

vraiment pour tous ceux qui étaient derrière leur télé. Je comprends pas pourquoi j'ai fait une course aussi nulle, vraiment. Bizarrement, je me sentais très bien au départ, j'étais très détendue. J'avais confiance en tout ce que j'avais fait avec mon coach. On avait fait tout bien, l'échauffement s'était très bien passé, j'étais détendue. Puis dans la course, l'Espagnol est parti tout de suite. Et au lieu de la suivre, en fait, je sais pas ce que j'ai fait, je suis restée avec les autres en pensant qu'elle partait trop vite, mais en fait, elle était dans de bonnes allures, j'aurais dû la suivre. Mes jambes n'ont pas répondu, vraiment, c'était nul, quoi. Enfin, voilà, dans les derniers appuis, j'ai compris que c'était fini. Et puis quand j'ai vu le chrono, alors là, c'était l'apocalypse. Franchement, je comprends pas. Rainel Lamothe nous donne tout de même rendez-vous pour les JO de Tokyo dans 4 ans. Le stade olympique accueille aujourd'hui les séries du 4x100, à suivre dans le relais des Français, la réunionnaise Jennifer Gallet, et chez les messieurs, le Guyanais Marvin René et le réunionnais Stuart Dutambi. Ce n'est pas passé pour la réunionnaise Cindy Bio. Hier soir, elle a été éliminée en demi-finale du 100 mètres haies. Sa réaction à suivre dans nos prochaines éditions. L'équipe de France féminine de handball affronte les Pays-Bas aujourd'hui pour une place en finale. Julie Straboni nous en dit plus sur cette rencontre. Vivement jeudi, c'est ce que se disaient les amateurs de handball qui avaient hâte de retrouver cette équipe de France féminine après son exploit en quart de finale. Menée de 7 buts à la pause, les Bleus l'avaient finalement emporté 27-26 et l'histoire pourrait bien se reproduire ce jeudi où elles retrouvent les Néerlandaises qu'elles avaient battues en début de compétition. Le collectif emmené par les Guadeloupéennes Alison Pinault, Laurie Zalandre et la Guyanaise Béatrice Edwige pourrait bien inaugurer un podium et ramener la première médaille de l'histoire après les larmes de Sydney, d'Athènes, de Pékin et de Londres. Match à 15h30 heure de Rio aujourd'hui. Nous vous le disions hier, l'équipe masculine de handball est en demi-finale du tournoi olympique. Les experts ont battu en quart de finale le Brésil 34-27. La France retrouvera l'Allemagne demain vendredi pour une place en finale. Jour de demi-finale par contre pour les basketteuses françaises qui peuvent aller au moins chercher une médaille de bronze dans ce tournoi olympique. Pour l'or, la tâche s'annonce compliquée car les Françaises affrontent aujourd'hui en demi-finale finale, les États-Unis, match que nous présente Martin Baumer. Même si rien n'est impossible, il sera difficile pour l'équipe de France de se qualifier pour la finale. Il faut dire que les Américaines sont ultra favorites de la compétition, peut-être même plus que leurs homologues masculins. Une statistique pour le résumer, la Team USA féminine n'a pas perdu un seul match aux Jeux Olympiques depuis 24 ans. Et ici à Rio, elle a terminé ses matchs avec en moyenne plus de 40 points d'écart. Elle a aussi battu le record de la plus grosse différence de l'histoire en écrasant le Sénégal 121-56. Pour les Bleus toutefois, elles l'ont dit, elles ne s'interdisent pas de rêver, d'autant qu'elles seront animées par un sentiment revanchard. Elles avaient été battues à Londres en finale il y a 4 ans par les États-Unis. Et France-États-Unis à suivre à 19h, heure de Rio aujourd'hui. Les Françaises auront sûrement comme premier supporter l'équipe masculine de basket éliminée hier en quart de finale face à l'Espagne sur le score de 92-67. Ce match était le dernier du Guadeloupéen Michael Gelabal sous le maillot des Bleus. C'est vrai que c'était mon dernier match et de le vivre comme ça, c'est un peu décevant, mais voilà, on a fait le job pendant des années et voilà, maintenant c'est le temps de laisser la place aux autres. Avec Flo, on s'est regardé, on s'est checké et on s'est dit on se retrouvera bientôt en proie, mais là c'est notre dernier match et on est sur la fin et voilà, on s'est remercié de notre parcours et de notre amitié qui s'est fondée pendant toutes ces années, quoi. Et Flo, c'est bien sûr Florent Pietrus, l'autre Guadeloupéen de cette équipe de France, qui disputait lui aussi son dernier match sous le maillot bleu, tout comme Tony Parker. Ces garçons ont animé cette équipe pendant une quinzaine d'années. C'est la fin de cette édition. Excellente journée à toutes et à tous. Rendez-vous demain, 1h moins le quart, pour un nouveau journal des Jeux Olympiques. Dans 5 minutes, c'est le retour de l'information en France et à l'étranger avec la rédaction de France Info. D'ici là, c'est Flo Rida et Jason Derulo qu'on écoute. Hello Friday. I'm addicted to ballin'. I got the silver Patron. I bought a ticket to Rome. And by the end. triple C and double, I'm max single. You on the top, on the bottom, and she the middle. I did it all for the nook at Oreo cookie. Body killer, shot it on pushback. Now drop it, you got it, thank God it's Friday. We let that TGIF bird, yeah. Let's get it poppin', baby. Show me something, baby, or I can blow it on the next girl. I got that 151. You gotta wait with your tongue. And by the end of the evening, never get a weekend. We won't even know what planet we on. Cause Monday, so many, goddamn it. Tuesday, she wanna go up. But Wednesday, I panic. Come scrambling. Thursday, just ain't my luck. Hello, Friday. I've been waiting for you for a long time. You just saved me when my life came crumbling down. And I ain't talking playing in the sun. Sunday I'm praying for forgiveness, but the weed just begun, huh? Cause Monday so many, goddamn it. Tuesday she wanna go up, but Wednesday I panic, I'm scrambling. Thursday just ain't my luck. Hello Friday. C'était Florida et Jason Derulo sur la première Hello Friday. Dans quelques secondes, c'est le retour de l'information en France et à l'étranger avec la rédaction de France Info. Et puis après 13h, vos nouveaux rendez-vous. Connect Première pour tout savoir de ce qui se passe dans les nouvelles technologies. À 13h20, le zapping de Première préparé par Jackie et en rediffusion, l'invité de la matinale à 13h30. Donc dans quelques instants, c'est le journal de France Info. Voici le journal de France Info. À l'heure d'un nouveau journal, bonjour Aurélien Tirard. Bonjour Ariane, bonjour à tous. La bagarre de Cisco en Corse due à un comportement de caïd à une réponse grégaire de villageois. Le procureur de Bastia apporte des précisions sur le point de départ de cette violente bagarre alors que 5 personnes doivent être jugées cet après-midi. À la une également ce matin, ce coup de pouce pour de nombreuses familles aux faibles revenus. L'allocation de rentrée scolaire est versée à partir d'aujourd'hui. Aux États-Unis, comme le veut la tradition, les deux principaux candidats à la présidentielle sont briefés par les services de renseignement en vue de la passation de pouvoir. Mais Donald Trump sera a-t-il gardé secrètes ces informations? C'est toute la question. Ça se gâte côté météo, de la pluie sur la majorité du pays, risque d'orage même en région parisienne sur les Ardennes et en Franche-Comté, du soleil quand même pour le sud-est, 22 à 29 degrés du nord au sud. Météo complète après le journal. France Info. Aurélien Tirard. La bagarre de Cisco en Haute-Corse se retrouve devant la justice aujourd'hui. 5 hommes doivent être jugés cet après-midi en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Bastia. 2 habitants de Cisco et